Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans OST, votre magazine qui vous parle de jeux vidéo, mais surtout de musique de jeux vidéo. On est ensemble pendant une petite heure et comme à chaque émission, Emeline est avec moi en studio. Bonjour Emeline. Bonjour Romain. Alors aujourd'hui pour cette quatrième émission, on va vous parler d'un genre de jeu qu'on n'avait jamais encore abordé dans OST puisqu'il s'agit d'un jeu vidéo japonais. Donc voilà, en quatrième émission, enfin on parle du Pays du Soleil Levant, aussi important soit-il dans l'industrie du jeu vidéo quand même, parce qu'ils ont créé énormément de choses et ils sont encore des patrons pour quand même ce qui concerne les loisirs vidéoludiques. Donc aujourd'hui, on vous parle d'un jeu vidéo assez particulier qui est sorti en 2010 et qui s'appelle Nier. Ce que vous venez d'entendre, c'est le premier morceau que l'on a dans l'introduction du jeu. Dès que vous lancez, vous appuyez sur Start, voilà ce que vous entendez. Et donc, vous entendez ça dans le jeu vidéo Nier, qui est sorti en avril 2010, il y a donc maintenant plus de 5 ans, 5 ans et demi presque. Il est sorti sur PS3 et Xbox 360, c'est un jeu qui est édité par Square Enix. Si vous ne connaissez pas là le nom, je vais vous dire un autre nom qui s'appelle Final Fantasy. Et là, tout de suite, évidemment, vous recollez les morceaux. Square Enix est donc la boîte qui se charge de cette licence très connue de jeux de rôle japonais. Là, ils sont éditeurs Square Enix, car le développeur, c'est Cavia, qui est un développeur assez méconnu, on va dire. Ils sont connus pour la série des Dragon Cards, mais qui n'a pas non plus un rayonnement comme peut l'avoir, par exemple, les Final Fantasy ou d'autres jeux. Le type de jeu, donc le genre de Nier, c'est ce qu'on appelle un action RPG, donc c'est un jeu de rôle, mais où vous contrôlez votre personnage entièrement pendant les combats, c'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer, lancer des sorts, attaquer comme bon vous semble, et c'est un côté un peu plus action. Pour vous donner un exemple, le plus connu des action RPG, c'est Zelda, qui donc a cette dynamique-là où vous maîtrisez votre personnage pendant les combats, mais en même temps vous pouvez le faire évoluer avec de nouveaux équipements, etc., etc. La particularité de Nier, c'est qu'il y a eu deux versions qui sont sorties au Japon. Il y en a une pour PS3 et une pour Xbox 360. Puis une seule version en fait qui est sortie pour le reste du monde. Alors il y a des différences entre ces deux versions. Donc la première qui est Nier Replicant et l'autre qui est Nier Gestalt. Donc Nier Replicant qui est sorti uniquement au Japon a un héros en fait. On va dire de manga ou de Japanimation, dans le sens où c'est un jeune homme avec un physique assez androgyne, des traits assez fins, et donc qui a cette particularité-là, pardon. Et le développeur japonais a pensé que ça ne conviendrait pas, ce design, pour le public américain et européen. Donc ils ont changé le design du personnage principal, qui pour nous est un homme d'une quarantaine d'années, on va dire, qui vraiment dans la force de l'âge, qui a les traits assez durs, qui a une véritable carrure vraiment, et donc qui est très loin du personnage du jeu exclusivement japonais. L'autre grande différence, c'est dans le scénario, puisque donc le personnage principal, qui s'appelle Nier, a en fait une petite sœur dans la version uniquement japonaise, et dans la version mondiale, on va l'appeler comme ça, c'est un lien de père à fille. Donc ça change quelques éléments du scénario et aussi les émotions qu'on peut mettre quand même dedans, parce que le lien n'est pas tout à fait le même. Dernier élément concernant la sortie du jeu, c'est... Ça fait partie de ces jeux en fait qui a reçu un accueil critique assez tiède, on va dire, où beaucoup de gens ont pointé sa réalisation, on va dire, assez fade ou assez terne pour certains. Donc ils ont vraiment été mishmash. Voilà, c'était pas une pluie de bonnes ondes, on va dire, sur le jeu. Mais par contre, le public a, lui, particulièrement aimé. Donc, en fait, il a ce qu'on appelle une fanbase vraiment très soutenue, Nier, qui fait que pour beaucoup, beaucoup de joueurs, c'est un excellent jeu et qu'il a été justement trop sous-estimé par la critique. Maintenant, je vais laisser un peu Emeline parler pour nous raconter l'histoire de ce jeu. Et Romain nous disait que, du coup, dans la version que nous connaissons, Nier est le père de la petite fille qui s'appelle Yona. Ce père est assez malheureux parce que justement Yona est malade, une maladie assez mystérieuse qui la cloue au lit et qui met sa vie en danger. Du coup, Nier va partir dans le monde et pour la sauver, tout faire pour la tirer de cette maladie. Il va croiser des créatures très étranges qu'on appelle les ombres, qu'il va devoir combattre d'ailleurs, comme disait Romain aussi, dans cette façon d'action RPG. Il va les combattre et dans ses recherches, à part les ombres, il va aussi croiser un livre qui s'appelle Vice. On lui donne un nom parce qu'en fait il parle, c'est un livre qui communique avec nous et qui va nous donner, nous permettre d'avoir de grands pouvoirs et voilà, nous donner vraiment la force de sauver Yona. Un livre magique. Exactement. Alors voilà, donc pour le contexte et pour vous poser un petit peu les bases de Nier, on va maintenant commencer tout de suite par le cœur de cette émission, évidemment, en vous parlant de la bande originale de Nier. Thank you. entendre une des musiques qu'on entend vraiment beaucoup, c'est dans les premières qu'on entend, du jeu Nier. Là, on va vous parler justement un petit peu des compositeurs. Donc, il s'agit d'une équipe, la Team Monaca, qui a par exemple composé la musique des Tekken, entre autres choses. Et également des Dragon Card dont on a parlé en fait avec le studio Cavia qui a développé le jeu. Et donc là, en fait, c'est une nouvelle collaboration entre le studio de musique et le studio de développement. Exactement. Voilà. Et je me demande même si c'était pas déjà le chef de projet Kaishi Okabe qui s'occupait aussi des Dragon Card. Ce serait pas étonnant. Oui. Voilà. Cette musique a quand même demandé à peu près 3 ans de travail parce que elle est vraiment complète. On vous la passe, on va les analyser. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Cette musique a donc été composée en parallèle du jeu. Alors ça, c'est assez rare. La plupart du temps, on crée le jeu, le gameplay est fait, vous avez tout qui est prêt, sauf la musique qui viendra après. Le compositeur s'inspire des images pour créer la musique. Là, pour une fois, les deux se sont créés en parallèle, donc à peu près en même temps. Ils ne communiquaient pas vraiment entre eux, ce qui fait que des fois, il y a des associations musique-gameplay qui sont assez étonnantes et d'ailleurs très intéressantes. Oui, on va parler d'ailleurs de tout ça dans l'émission, et c'est aussi intéressant de voir que il y a même parfois dans le processus de développement, c'est le jeu en lui-même qui s'est appliqué à la musique, et pour une fois pas l'inverse comme tu le disais, où d'habitude on vous donne le jeu et on vous dit voilà, avec ça tu vas me faire une musique. Là c'est vraiment il y a tel morceau, peut-être que du coup cette phase de gameplay là, cette phase de jeu, on pourrait la modifier pour que ça colle mieux à la musique. Donc ça a vraiment été un processus main dans la main, et comme on le suppose, vu que les deux studios ont sûrement déjà collaboré ensemble, c'est ce qui fait qu'ils se connaissent et ils ont pu faire ça. Vous l'avez entendu déjà dans cette première musique, donc qui s'appelle Hills of Radiant Winds, l'importance du chant. Donc c'est la particularité, la patte de l'OST de Nier, c'est que 80% en fait des musiques sont chantées. Et en fait, le studio Monaca a contacté une chanteuse anglaise qui vit à Tokyo depuis plusieurs années maintenant, qui s'appelle Amy Evans. Donc vous pourrez tout retrouver, toutes les informations sur elle sur Internet. Ils l'ont approchée donc pour chanter, mais pas uniquement, puisqu'ils lui ont demandé aussi en fait d'écrire les paroles de ses chansons. Alors là, vous avez peut-être prêté l'oreille à ce qu'elle disait, à ce qu'elle chantait, mais n'essayez pas de comprendre quoi que ce soit, puisque c'est une langue complètement inventée, dans le sens où c'est un mélange en fait de différentes langues, donc comme l'allemand, le français, l'espagnol, le japonais, voire encore le latin. Donc en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il lui disait, voilà, dans cette chanson, il faudrait plutôt que c'est une prononciation japonaise ou française. Et du coup, elle inventait les mots qui pouvaient marcher pour que la prononciation se fasse bien dans la langue qui était souhaitée dans la musique. Donc c'est un mélange assez incroyable qui est fait, et donc qui donne une nouvelle langue et une nouvelle façon de chanter finalement assez incroyable, et qu'on retrouve dans toute la BO de Nier. Là, cette fois-ci, on vous a présenté globalement la musique. Il est temps maintenant de passer à l'analyse des morceaux, et on commence tout de suite avec un morceau qui s'appelle « The Incomplete Stone ». Yeah. Ce que vous venez d'entendre, donc, c'est la musique The Incomplete Stone de la bande originale de Nier, avec, comme on vous disait, quand même une place importante pour le chant, avec ce chœur mixte, deux voix de femmes et deux voix d'hommes, qui donne de l'importance à cette musique, qui nous prend aux tripes, parce que c'est quand même une musique organique, vu qu'ils chantent avec leurs propres cordes vocales. Et c'est aussi organique parce qu'on a, on appelle ça comme ça, c'est un orgue en fait, c'est un instrument, une corde vocale qui vibre, ça a vraiment beaucoup de... Ça nous fait beaucoup de sensations et d'émotions et c'est quelque chose qui résonne énormément. Vous avez aussi plein de percussions tout à fait différentes qui viennent de différents continents. D'ailleurs, on a des percussions africaines, des percussions d'Amérique du Sud, africaines, Amérique du Sud, et puis des percussions européennes. Ce qui fait un mélange en fait de percussions, il n'y a pas d'identité continentale pour ces percussions, ce qui nous transporte dans un monde différent, et ça tombe bien parce que Nier, c'est dans un monde différent du nôtre. Voilà, c'est exactement ça, dans un monde fantastique, du coup, qui est différent du nôtre et qui change, du coup, par rapport à ça. On vous passe encore une fois The Incomplete Stone, mais dans une autre version, comme on aime bien le faire depuis quelques émissions dans OST. On va vous passer, en fait, un moment où vous êtes dans le jeu, et donc vous êtes dans le niveau, et vous allez comprendre, en fait, comment la musique s'adapte, en fait, à la situation de votre personnage, parce que quand vous êtes en mode exploration, donc c'est les voix a cappella, donc vous n'avez aucun autre instrument à part la voix chantée. Et quand vous êtes en mode combat, donc quand il y a des ennemis, vous allez entendre de toute façon des coups d'épée, il y a les percussions qui arrivent en fait et qui s'installent petit à petit. Plus le combat dure, plus les percussions se font présentes. Donc on vous fait écouter ça pour que vous puissiez bien entendre comment la musique s'adapte donc à vos situations dans le jeu. I'm coming, Yuna. Seeds in here! She'll never make it out of here! Yuna! Voilà, donc c'était un extrait, en fait, quand vous êtes en train de jouer donc à Nier, donc vous avez pu entendre la musique, les combats, donc le bruit de l'épée et les bruits des monstres aussi, qui ont des espèces de cris, des onomatopées assez incompréhensibles. Pour vous remettre un peu dans le contexte du jeu, à ce moment-là, en fait, c'est le premier donjon, dans le sens où dans les action RPG, comme dans Zelda typiquement, vous avez les grandes contrées à explorer comme ça, qui sont assez libres, et aussi des moments où vous êtes enfermé en fait dans une immense structure, et donc c'est ce qu'on appelle les donjons, même si ça n'a pas forcément la forme d'un donjon. Là, c'est plutôt un temple en fait que vous trouvez, un immense bâtisse en pierre, et quand vous entrez, il y a un arbre gigantesque qui est au milieu en fait, et qui a repris la place, on va dire, dans le temple, c'est-à-dire qu'il a détruit un peu la structure avec ses branches au fur et à mesure. Donc il y a une espèce de de combat entre la nature et la civilisation dans ce lieu, mais également aussi, je trouve, un peu dans la musique, dans le sens où il y a les musiques vocales qui font vraiment sacrées, qui font presque religieux. Je ne sais pas si on peut accrocher ça à une religion en particulier, mais qui vraiment a ce caractère sacré-là et qui, en même temps, est contrebalancé avec les percussions. Et on n'a pas l'impression qu'on pourrait avoir un orchestre de percussions dans une église, si vous voyez ce que je veux dire. C'est assez rare. Voilà. Donc, du coup, il y a ce combat-là aussi également dans la musique et dans le level design. Donc, vraiment, là, il y a une vraie thématique pour ce lieu qui est assez importante et assez impressionnante à voir. Et c'est sûr, ce qui est plus logique, c'est de retrouver un chœur a cappella dans un temple ou dans une église qui chantera comme ça, presque sur la même voix. Et ça, c'est beaucoup plus logique. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir vraiment cette construction-là pour l'identité de ce lieu. On entend la musique, on sait où on est et il y a tout le décor qui va avec, etc. etc. Maintenant, on va passer à un nouveau morceau. Oui, tout à fait. Là, cette fois, on passe au morceau qui s'appelle Grandma, donc grand-mère, qui nous parle de la grand-mère d'un des personnages, en fait, du jeu, donc Kainé, qui est un personnage féminin assez déroutant, très vulgaire, et en même temps très, très attachante. Elle est assez présente et vraiment, ça nous rassure qu'elle soit à nos côtés pendant la plupart de l'aventure. Dans cette musique, vous avez un effectif assez étonnant parce qu'il y a une association entre le chant, donc on vous a parlé d'Amy Evans, qui a quand même un timbre de voix assez particulier, qui a un grain, enfin on appelle ça un grain de voix qui nous parle, vraiment qui nous touche aussi. Je vous ai parlé du côté organique, là vraiment ça nous parle aussi pas mal. Donc c'est assez doux dans Grandma et c'est associé à la percussion de la caisse claire qui est rarement associée à du chant, surtout avec un chant aussi doux, qui fait vraiment, qui contrebalance entre les deux avec ce côté presque enfantin, nostalgique du chant qu'on pourra entendre quand on est enfant, la berceuse, et de l'autre côté la caisse claire qu'on entend plutôt à l'armée. D'ailleurs, les compositeurs qui ont créé cette musique étaient très étonnés de découvrir que cette musique appartenait en fait à un boss. Voilà, donc c'est la chanson d'un monstre gigantesque et ça s'appelle Grandma, c'est tout doux, et pourtant là vous êtes en train de vous battre. On vous passe ça tout de suite. Thank you. Alors bien sûr, je vous parlais de la caisse claire et du chant, mais on a aussi et surtout du piano qui accompagne cette jolie balade. On aurait pu aussi avoir une guitare qui donne vraiment ce côté balade tranquille, contrairement à la caisse claire qui est là. Même il y a de la grosse caisse un petit peu qui tape de temps en temps et qui donne quelque chose de plus martial. Voilà, alors c'est quand même une musique assez douce, et donc on vous le rappelle, c'est bien une musique de boss, donc un combat important et dangereux, et c'est ce qui vous arrive maintenant, et donc il y a ce décalage, ça dénote entre la musique et ce qui se passe dans le jeu pour une fois. Si vous avez écouté attentivement, peut-être que vous avez compris certains mots de la musique, et alors je suis obligé de vous le dire, logiquement vous n'avez rien compris du tout, ce n'est pas possible, parce que c'est encore une fois une langue inventée par la chanteuse, mais ce qui a été demandé pour cette chanson en particulier, c'est de s'inspirer de deux langues, le latin et le français. Donc peut-être que l'illusion auditive vous a fait comprendre certains mots, moi à chaque fois j'ai l'impression que c'est des nouvelles paroles qui sont écrites. Moi aussi. Mais donc non, c'est bien des mots inventés, mais on a l'impression de comprendre voilà, des choses. Et surtout, il y a cette prononciation du R, qui est vraiment le R à la française, qui fait qu'on a cette impression-là. Et se dit « Ah, mais j'ai l'impression de comprendre un peu ce qu'elle dit ». Donc voilà, ça rejoint ce qu'on disait sur la langue inventée. Et ça marche très très bien, je trouve, ce type de prononciation avec cette musique. Du coup, c'est assez efficace. On continue dans notre analyse de l'OST de Nier et cette fois, on va vous parler d'un autre combat contre un boss. Mais cette fois-ci, on arrête les balades romantiques en affrontant des grosses bébêtes. Ce coup-ci, c'est vraiment une musique de boss traditionnelle de jeu de rôle japonais où ça en met plein la vue et on sent bien que l'on est en danger parce qu'on affronte un colosse géant qui détruit tout. Yeah. dans ce morceau, donc y a un moment qui est très intéressant. On voudrait vous attirer l'oreille dessus, qui est un moment très dramatique. Donc vous avez encore les chœurs là qu'on retrouve comme ce qu'on avait déjà au tout début dans la première qu'on a analysée ensemble, qui donne la puissance vraiment de la guerre cette fois. Ce moment dramatique dont je vous parle se trouve à peu près au milieu. On va vous faire réécouter l'extrait juste après. Il y a vraiment comme une suspension. D'un seul coup, vous entendrez quelque chose comme les percussions se retirent un petit peu. On entend le chœur qui reste vraiment suspendu, pas mal dans l'aigu. Et ça donne quelque chose d'impressionnant. On ne sait pas trop ce qui est en train de se passer. Il y a un ralenti. Et puis, d'un seul coup, on va changer de tonalité. On va moduler. Et là, on va vous expliquer ce qu'est la modulation, peut-être ? Ben oui, Emeline, explique-nous ce que c'est que la modulation, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors, la modulation, c'est un changement de tonalité. La tonalité, on vous en a parlé dans l'émission de Rayman, il y a déjà deux, trois émissions. C'est en fait la couleur du morceau. Donc, vous avez une couleur principale, vous allez toujours retomber à peu près sur les mêmes notes. Ça, c'est la tonalité d'un morceau. On vous a parlé de tonalité majeure, de tonalité mineure. En sachant que donc, majeur, c'est plus joyeux, par exemple. Donc, c'est une couleur un peu plus joyeuse. Et mineur, une couleur plus mélancolique, plus triste. Exactement. Alors là, dans cette tonalité mineure, on va avoir vraiment la couleur principale. Et d'un seul coup, après ce moment de suspension dont je vous parlais, ce moment dramatique, on va changer de tonalité. On va passer un petit cran au-dessus. Donc, on monte vers l'aigu. Ça renforce ce côté dramatique. Et ça donne vraiment plus d'importance à un moment qui est en fait exactement le même qu'avant. Donc, qui est répété. Mais du coup, ça lui donne une autre dimension. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc ce qu'on vous propose, c'est on vous repasse l'extrait, juste un petit extrait, où il y a ce moment dramatique où les percussions se retirent un petit peu, ralentissent. Il y a un moment vraiment de suspension et on enchaîne. Je me permets juste suspension, donc est-ce que c'est la même note qui est suspendue pendant plusieurs secondes ou c'est pas ça ? Alors si, oui, en effet, il y a un moment où on a une note qui est suspendue pendant plusieurs secondes, c'est les chœurs qui la tiennent. Et après, un autre moment, c'est le fait que la rythmique s'arrête. Il n'y a plus de rythme, on n'est plus dans quelque chose de métrique. Et du coup, ça s'arrête et on ne sait pas trop où est-ce qu'on va et ça réenchaîne après la modulation. Très bien, donc on passe à un petit extrait pour vous mettre ça en place et que vous puissiez entendre tout ce qui se passe à ce moment-là. Donc voilà, vous venez d'entendre ce moment, donc il y a cette suspension, on sent là toute la tension, et d'un seul coup, hop, la boucle reprend, mais elle reprend plus aiguë, donc plus haut. C'est donc ça, exact. La modulation. Tout à fait, Romain. Voilà. Une technique de chanson française qu'on connaît bien. C'est ça, qui date des années à peu près 90, on va dire. Et on les aime beaucoup, évidemment, on leur fait un petit bisou. On va passer sur la dernière musique de analyser, et je t'en prie, Emeline. Tout à fait, qui se nomme The Ultimate Weapon. Et là, on vous propose de tendre l'oreille et d'analyser par vous-même, avec toutes les clés de lecture qu'on vous a données depuis le début de l'émission, et depuis maintenant 4 émissions. Vous commencez à avoir quelques pistes, alors pensez aux instruments qu'on retrouve déjà depuis tout le début de la bande originale, pensez à cette structure de boucle qui est tout à fait qui représente ce genre de jeu vidéo, parce que les compositeurs savaient pas forcément combien de temps le joueur allait rester dans le monde pendant l'exploration, et du coup ils font des boucles pour pouvoir sans s'ennuyer avoir quelque chose qui revient quand même tout le temps, qu'on ait toujours la même ambiance musicale. Donc faites attention à ça, aux instruments, à cette impression de boucle. Vous avez aussi les changements de couleur, comme on vous a dit. Tendez l'oreille, analysez par vous-même et nous, on vous en parle un petit peu après. C'est beau, hein? C'est beau. Que c'est beau. On vient d'écouter donc The Ultimate Weapon. Oui, voilà, donc c'est beau. On vous a laissé 5 minutes parce que c'est vraiment une chanson assez magnifique. Emeline va vous expliquer ça dans quelques instants. Pour vous remettre dans le contexte du jeu, là, à ce moment-là, on explore un manoir assez étrange et mystérieux, peuplé de gens, de serviteurs, etc. Assez étrange, assez absent. Et c'est là qu'on va rencontrer un petit garçon qui s'appelle Émile et qui vit un véritable cauchemar parce qu'il a une malédiction, c'est que ses yeux, il a un peu les yeux de la méduse, c'est-à-dire qu'il peut transformer tout ce qu'il voit en pierre. Donc il est constamment avec un bandeau, en fait, dans ce manoir où il a appris à se balader tout seul. Et donc on va le rencontrer, on va essayer de l'aider justement à accepter cette malédiction, entre guillemets, à s'accepter lui-même aussi. Donc il y a une vraie quête et il va devenir un de nos alliés, il va nous accompagner dans notre aventure. Donc c'est un personnage assez important finalement et on rencontre dans ce manoir où il n'y a que cette musique. Même pendant les combats, c'est toujours cette musique que vous entendrez en fond. Mais là je laisse Emeline en parler. Exactement, et d'ailleurs ce sera le même principe que The Incomplete Stone, c'est qu'a priori les percussions dans le gameplay, les percussions viendront seulement quand on a des combats. Voilà, alors là dans ce morceau, c'est vrai que moi c'est le morceau que je préfère de la bande originale. Il est magnifiquement bien construit, donc on vous a parlé de la boucle, c'est toujours une boucle, on revient toujours aux mêmes parties, aux mêmes phrasés musicaux, mais fait de telle façon à ce qu'on peut on ne puisse pas s'ennuyer en fait, parce qu'il y a une construction qui est très différente à chaque fois. On a les percussions des fois, on a le violoncelle, des fois l'un s'en va, des fois l'un revient. On a le piano qui est toujours présent, la chanteuse qui est ou en soliste ou bien avec les voix du chœur derrière, qui est sans doute sa voix, elle, multipliée par 4 ou 5. C'est vraiment très bien, donc ça nous donne quelque chose de long et d'assez lent et de très poignant. Je vous ai parlé des couleurs qui changent aussi là, vraiment on a différentes couleurs qui sont très bien associées et qui donnent vraiment beaucoup d'émotions différentes. On va du très solennel à quelque chose de très inquiétant, en même temps c'est vraiment grave comme musique, on a quelque chose de poignant justement dans la gravité de la situation. Et en même temps on a des fois des touches d'espoir, le piano nous donne des fois certaines notes qui nous font dire que en fait Émile a une chance justement de s'en sortir. De s'en sortir et puis de croire en lui. On a aussi cette fin, en fait on vous a passé l'extrait en entier parce que justement il est très très bien construit, que la boucle est intéressante à entendre du début à la fin, surtout pour la fin qui est écrite en fait, on vous parle souvent de fondu, la musique qui s'éteint au fur et à mesure, d'habitude on peut appuyer sur un bouton et on descend petit à petit le volume sonore de la musique. Là ce qui est intéressant c'est qu'elle est écrite en fondu, donc les instruments s'en vont les uns après les autres pour finalement ne laisser que le chœur seul a cappella qui donne une impression grandiose et en même temps dépouillée et fragile. Et encore une fois, donc sont les voix qui sont mises en avant dans la bande originale de Nier, parce que c'est vraiment la marque de fabrique de cette OST. C'est maintenant le moment de conclure cette émission, enfin non, pas encore, pardon, de conclure l'analyse de la bande originale de Nier. Ah. Alors, la bande originale de Nier, c'est quelque chose d'assez incroyable dans le paysage de la musique de jeux vidéo. C'est vraiment quelque chose d'assez unique, vraiment. Comme on vous l'a redit, il y a avec la voix qui est dans 80% des chansons, encore dans celle que vous entendez en fond, qui s'appelle Kaine Salvation, qui est une chanson qui est dédiée au personnage de Kaine, donc qui vous accompagne dans toute l'histoire de Nier. Donc cette voix chantée tout le temps, avec cette langue inventée, ces différentes prononciations au fur et à mesure, qui est vraiment importante et qui montre aussi toute la présence de la musique dans Nier. Il y a quasiment jamais de moment de silence ou très très peu, et donc il y a toujours cette musique qui vous accompagne, et la prouesse étant que elle ne vous ennuie jamais quand vous êtes en train de jouer. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans le jeu et la musique vous accompagne tout le temps sans jamais vous dire « Ah, j'en ai un peu marre, la boucle est trop longue, etc. » Vraiment, c'est une espèce de prouesse de pouvoir faire ça, de ne jamais se lasser de cette musique. Et surtout, la musique est importante parce qu'elle est liée vraiment à l'histoire du jeu, qui est le point fort. On va pas se cacher, Nier a quelques défauts, comme une réalisation pas forcément extraordinaire et des graphismes qui sont pas dignes des plus gros blockbusters, on va dire. Voilà, c'est pas comme The Last of Us ou des choses comme ça qui sont sorties sur PS3. C'est beaucoup plus archaïque, finalement, dans sa façon de faire. Mais il a une âme, ce jeu. Il y a un vrai scénario prenant qui fait que ça marche très très bien et que la musique, du coup, amène aussi à comprendre ces émotions-là. Donc voilà, les émotions, d'ailleurs, qui sont assez importantes quand on joue. Exactement, et même quand on réécoute après les musiques, parce que justement comme toute la bande originale est assez forte en émotion, elle est assez bien écrite, du coup quand on réécoute la musique seule, sans jouer, on a vraiment toutes ces émotions qu'on a ressenties pendant le jeu qui reviennent, on repense à tous les personnages qu'on a croisés, vraiment on était plongé dans l'histoire du début à la fin, et c'est quelque chose qui est très appréciable dans un jeu vidéo. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on voulait retenir de ce jeu. On vous conseille évidemment d'aller l'essayer. Il est sorti en 2010, donc il y a bientôt 6 ans maintenant. Il doit vous coûter pas très cher, voilà, il doit vous coûter 20€ grand maximum. Et donc il peut être rebutant par son aspect primaire, on va dire, par les premières sensations de jeu, mais on vous conseille de vous attacher, vraiment de lui laisser une chance. Et le gameplay est tout à fait est très maniable. Oui, c'est tout à fait jouable, il n'y a pas de souci, voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et allez-y, surtout que maintenant, en plus, vous pourrez attendre la suite, parce qu'on sait qu'il y a un Nier 2 qui va arriver, il y a déjà des bandes annonces qui arrivera sur les prochaines consoles, du coup, PS4 et Xbox One. Donc nous, on l'attend évidemment avec grand plaisir. Et impatience. Évidemment, avec impatience. On en a fini, du coup, pour l'OST de Nier, et comme chaque fois, hein, notre nouvelle rubrique que moi j'aime beaucoup, voilà, donc je vous balance évidemment la musique pour le niveau bonus. Le niveau bonus, donc le moment où on passe des chansons, des morceaux en particulier d'OST qu'on a bien aimé. Et cette fois, contrairement aux autres émissions, si ma mémoire est bonne, c'est Emeline qui commence. Vas-y. Exactement. Et pour cette émission, on va vous parler du coup dans un thème royal, parce que c'est la période de la... C'est la chandeleur. C'est la chandeleur, c'est la galette des rois. Les rois mages sont arrivés. Donc on s'est dit qu'on allait vous parler, on allait vous passer des musiques où on a des rois dans les jeux. Moi, je vais vous parler de la bande originale de Age of Empires qui date maintenant de la fin des années 90. Ah, je n'y pas. Exactement. Et là, il s'agit du premier volet auquel, moi, je sais, j'ai pas mal joué sur PC. Donc, on le retrouvait sur PC, ce jeu-là, de création de villages et de guerre. Autour, alors, Age of Empires, il y avait beaucoup d'empereurs, mais on a aussi des rois dans les volets suivants. Et c'est pour ça qu'on va vous passer donc la musique The Capture. Thank you. Alors, on vient de vous faire entendre donc un extrait de Age of Empires, qui est bien dans notre thème royal du niveau bonus du jour. Voilà, alors donc c'est moi qui enchaîne ce coup-ci et je vais vous parler d'un autre jeu où il y a des rois, des prétendus rois qui convoitent tous en tout cas le même trône, le trône de fer. Donc je vais vous parler de Game of Thrones que j'ai pu finir il n'y a pas longtemps, donc le jeu de Telltale Games que je vous recommande chaudement, où on suit donc les péripéties de la famille Forrester, une maison entre guillemets secondaire du jeu que l'on va suivre pendant 6 épisodes. Je vous conseille fortement de mettre la main dessus et le morceau que l'on va écouter maintenant, c'est la chanson de la cadette de la famille Forrester, Talia, qui chante dans un moment grave pour sa famille et qui nous chante une merveilleuse chanson qu'on va s'écouter tout de suite. From ice, we foresters born, to ice we all return. Father, brother, I've sworn to guard this rest you've earned. I'd bare my neck to will in pain and swim the shivering sea. Paint slaver's bay in crimson rains to bring La chanson de Talia, donc, on retrouve dans le jeu Game of Thrones de Telltale. Je vous recommande chaudement d'essayer au moins acheter le premier épisode parce que c'est en série comme ça. Je vous recommande évidemment les autres jeux Telltale. J'ai déjà passé Walking Dead ici, The Wolf Among Us, etc. C'est un studio qu'il faut suivre et qui est vraiment important. On en est à la fin de cette émission, de cette quatrième d'OST. On vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. On espère que ça vous a plu, autant qu'à nous en tout cas, de suivre cette émission. Si jamais vous voulez en apprendre plus, il y a Facebook, il y a Twitter et il y a même une chaîne YouTube incroyable. On est sur l'Internet mondial. On est connecté. On est complètement connecté. En tout cas, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci Emeline. Merci à toi Romain. Voilà, on vous laisse une bonne écoute sur les ondes de Campus.